pas beau gosse. C'est cher. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حديث numéro 41. أبو محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. Il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: n'est véritablement croyant que celui qui met toute sa passion aux enseignements que j'ai apportés. L'imam Nawawi nous dit: c'est un hadith Hassan Sahih que nous avons transmis de Kitab Al-Hujja avec une chaîne de garantie authentique. الأسبوع الماضي ذكرنا أن هذا الحديث وإن قواه الإمام النووي رحمه الله إلا أن علماء الحديث تعقبوا قول الإمام النووي كالحافظ ابن حجر كالحافظ ابن رجب رحمه الله ففي شرحه لكتاب الأربعين النووية ذكر أسبابا توجب تضعيف هذا الحديث منها أن هذا الحديث من رواية نعيم ابن حماد المروزي وهو صدوق يخطئ كثيرا وكذلك هناك انقطاع بين رجل اسمه عقبة ابن أوس السدوسي فإنه لم يسمع من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولأجل ذلك كثير من العلماء ضعف هذا الحديث وقلنا وإن كان هذا الحديث ضعيفا فإن معناه صحيح فإنه بمعنى قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأحيانا بعض الأحاديث تكون ضعيفة الإسناد. إسناد لو شفنا أني في مشاكل وبعض الرجال أني غير ثقات ولكن المعنى يكون صحيحا. لا يمنع أن يكون المعنى صحيحا. يقول في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. في هذا الحديث دليل على مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهنا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نستفيد أن الذي كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيمانه أكمل من الذي لا يكون هواه كذلك. فالإيمان يزيد وينقص والمؤمنون متفاوتون في إيمانهم، المؤمنون متفاوتون في إيمانهم، فليس إيماننا كإيمان الصحابة مثلا، وليس إيماننا كإيمان الملائكة، وليس إيماننا كإيمان يعني الناس الذين كانوا في القرون المفضلة في القرون الأولى من الإسلام. فالإيمان يزيد وينقص بالنسبة للأفراد، وكذلك المسلمون متفاوتون في إيمانهم. إذن يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ففي هذا الحديث يؤمر المؤمن أن يكون هواه وميله تبعا لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات في كتاب الله تدل على هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى أمرا قد وجب على كل مؤمن ومؤمنة، ولا يجوز له أن يبدي رأيا. فأحيانا الله عز وجل يقول شيئا ويقول ما رأيك، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يقال لك ما رأيك أنت. لا، ما عندكش حق تعطي رأيك بعد أمر الله تبارك وتعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا، هذا في المقابل الذي يكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذا الأمر خطير، أن يكره الإنسان شيئا مما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. العمل شيء، أن تعمل بالإسلام كله هذا شيء، ولكن ما تعتقده تجاه هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر. أن تترك بعض الأعمال أن أنت من جملة العصاة، من جملة المخالفين، ولكن الأخطر أن تكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل قلبي. أما العمل يعني يكون بالجوارح. دونك ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'est véritablement croyant que celui dont la passion suit les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière on avait expliqué et on s'était arrêté là que ce hadith, même si l'imam Nawawi rahimahullah, il nous dit que ce hadith a été transmis par une chaîne de transmission authentique, d'autres gens du hadith ont montré que ce hadith n'était pas authentique. Donc parmi les causes à cela, donc dans l'isnad il y a un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Hamad al-Marwazi, dont les savants ont dit qu'il était sadoukun yurti'u kafiran, c'est-à-dire c'est une personne qui fait beaucoup d'erreurs et il est seul à avoir rapporté ce hadith. Et également il y a une coupure dans la chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui rapporte d'une autre mais elle ne l'a jamais rencontré. En l'occurrence ici c'est Uqba ibn Aws al-Sadusi, il n'a rien entendu de Abdullah ibn Amr ibn al-As, donc ce hadith n'est pas authentique, mais son sens est vrai. Donc parfois vous avez des hadiths qui sont faibles mais dont le sens est vrai. Par exemple vous trouverez un autre hadith qui dit la même chose ou un verset du Coran qui dit cela, mais en tout cas il ne faut surtout pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith il a le même sens que le verset de sourate An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum, c'est-à-dire par ton Seigneur ils ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils te prendront comme juge dans leur querelle. Donc lorsque le musulman prendra Allah, le prophète sallallahu alayhi comme juge dans ses querelles, et qu'ensuite il se soumet au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant cela, l'imam Nawawi il dit: rawaynahu fi kitabi al-hujja. Al-kitab al-hujja hada wa kitab al-hujja ala tariki al-mahajja li abi al-fath al-maqdisi. Al-kitab fi al-aqida. Kitab fi al-aqida ismuhu al-hujja ala tariki al-mahajja. Donc vous trouverez que l'imam Nawawi ici il a dit à la fin de ce hadith: nous avons transmis ce hadith de Kitab al-Hujja. Kitab al-Hujja, donc c'est un livre de l'imam Abu al-Fath al-Maqdisi qui s'appelle Al-Hujja ala tariki al-mahajja, qui est un livre dans l'aqida, la croyance musulmane. Donc dans ce hadith, il est demandé donc aux croyants que sa passion, que ses envies suivent les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le musulman, il aime ce qu'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il déteste ce que déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous remarquerez qu'il nous dit « N'est véritablement croyant que celui qui met toute sa passion aux enseignements que j'ai apportés. » Ce qui prouve que la croyance du musulman augmente et diminue. Du fait que lorsque le musulman, plus la passion du musulman suit les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus sa foi sera élevée. Et s'il possède des points sur lesquels sa passion ne suit pas les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa foi diminuera. Donc la foi augmente et diminue, ça c'est en ce qui concerne le musulman, les individus, et également la foi est différente d'un individu à un autre. Donc la personne qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui est pieuse et vertueuse, elle n'a pas la même foi que le musulman par exemple qui commet toutes sortes de péchés. Également, la foi d'une personne à notre époque n'est pas comparable à la foi d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comparable à la foi des anges comme Jibril ou bien Mikaïl. Donc deux choses à retenir. Donc la foi augmente et diminue, ça c'est pour chacun d'entre nous. Et également, la foi n'est pas semblable d'un individu à un autre, donc suivant donc, les actes qu'il accompli. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ahzab, il nous met en garde contre le fait de oser donner son avis lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont décrété quelque chose. Il dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète aient décidé quelque chose, d'avoir le choix de leurs actes. Et ensuite il nous dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Celui qui désobéit à Allah et à son prophète, il se sera alors égaré d'un égarement évident. Et Allah met en garde également contre les gens qui détestent certains points de la religion. Il nous dit ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالًا. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et Allah a annulé leurs œuvres. Donc il faut faire la distinction entre deux points. Il y a le fait de désobéir et le fait de détester. Que la personne n'applique pas certaines choses de l'islam, c'est une chose. Par exemple, la personne, elle ne fait pas la prière à la mosquée. Ou bien parfois, elle sort quelques prières de leurs heures. Ou bien la personne, elle ne donne pas la zakat. Ou bien la personne, etc., etc. Mais il ne faut en aucun cas qu'elle déteste une chose de l'islam, quelle qu'elle soit. À partir du moment où la personne se rend compte que tel point fait partie de l'islam, tel point, il y a un verset qui l'appuie, ou bien un hadith qui l'appuie, il ne faut en aucun cas que le musulman éprouve du dégoût pour une des choses de l'islam. Ça, c'est très dangereux, et c'est ça qui rentre dans ce verset où Allah dit « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُ. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par leur dégoût de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'ils ont détesté les choses qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a rendu leurs œuvres nulles. إِذَنْ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحِبَّ مَا أَحَبَّ اللَّهُ subhanahu wa ta'ala وَيُحِبَّ مَا أَحَبَّهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الآن ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن أحب إليه من كل شيء. فالأب غالبا يحب أولاده، فينبغي على الأب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لأولاده. والرجل يحب زوجته، فعليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لزوجته، وقيس على ذلك. فإن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء حتى من نفسك، فعليك أن تقدم ما يحب محبوبك على كل المحبوبات، مفهوم؟ وبهذه المرتبة يكون هوى المؤمن تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتجدون أن الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذه المرتبة العالية. تجدون أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات عديدة، وفي يعني المقابل الذين كانوا يقاتلونهم من الصحابة رضي الله عنهم من كان أمامه أباه، ومنهم من كان أمامه ولده، ومع ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة يعني المشركين تبعوا ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فتجدون أن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه في غزوة من الغزوات، وكذلك تعرض أبو بكر يوم بدر لولده عبد الرحمن الذي أسلم بعد ذلك، يعني تعرض أبو بكر يريد قتال ولده لأنه أذى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il faut que le musulman aime ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala et déteste ce que déteste Allah, et aime ce qu'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et déteste ce que déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il nous dit, comme dans Al-Bukhari wa Muslim, ne sera un véritable croyant que celui qui m'aime plus que ses propres parents, que ses propres enfants et que toute autre personne. Donc comme le musulman il aime ses enfants, il faut qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses enfants. Il faut qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa femme, plus que ses parents. Et donc si la personne arrive à ce niveau, le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose, à ce moment-là, la personne peut véritablement mettre ce qu'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toutes les choses, devant toutes les choses, donc devant toutes ses passions. La personne peut alors mettre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime devant ses passions. Et les compagnons radiallahu anhum, beaucoup d'entre eux, ou bien même tous, avaient atteint ce stade du fait qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. Vous trouverez certains compagnons radiallahu anhum qui combattaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des batailles, et dans le camp adverse il y avait des proches à eux, il y avait leurs enfants ou bien leurs parents, tout cela parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné donc de combattre ces gens-là. Donc, ce qui prouve qu'il préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son propre fils ou bien à son propre père, comme Abu Ubaida radiallahu anhu a tué son propre père car il nuisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille parmi les batailles. Et également Abu Bakr radiallahu anhu, dans la bataille de Badr l'année 2 de l'Hégire, cherchait son fils Abdurrahman qui est entré dans l'islam après pour le combattre. Donc les compagnons radiallahu anhum avaient atteint ce stade. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى الله سبحانه وتعالى من يقدم حب الآباء والأبناء والإخوان على محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الله سبحانه وتعالى فاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, il nous dit si vos pères et vos enfants et vos frères et vos épouses et vos tribus et également votre argent ou bien vos demeures sont plus chers à vos yeux que Allah subhanahu wa ta'ala et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la guerre dans le sentier d'Allah, fatarabbasu, c'est-à-dire attendez jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne avec son ordre. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allah ne guide pas les peuples pervers. Donc Allah les a appelés pervers du fait donc qu'ils préfèrent tous ces gens-là à Allah et à son messager. Wa mahabbatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam taqtadi mutaba'atahu wa muwafaqatahu fi أوامره. فالذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبين ذلك ويكون بتمسكه بسنته. إذا تمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على محبته إياه. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله تبارك وتعالى فاختبرهم الله سبحانه وتعالى بآية من آيات القرآن. ادعى قوم محبة الله فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Donc le fait d'avoir sa passion qui suit les enseignements du prophète صلى الله عليه وسلم, le fait d'aimer le prophète صلى الله عليه وسلم, ça implique le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça possède des preuves. Il faut prouver, le musulman doit prouver son amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi cela, donc le fait de s'accrocher à sa sunna. Donc comment la personne peut prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis lorsqu'elle entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait telle ou telle chose, elle fait le contraire. Donc le fait de suivre la sunna est une preuve parmi les preuves de l'amour du musulman pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il nous dit que certaines personnes ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah les a éprouvés par un verset du Coran. C'est le verset de surat Ali Imran où Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. C'est-à-dire si vous aimez Allah, dit au Mohammed, aux gens, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. يَقُولُ أَحَدُ السَّلَفِ وَهُوَ يحيى ابن معاذ المتوفى سنة 58 و200 يقول ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. Donc Yahya ibn Mu'adh, qui est décédé en 258 de l'Hégire, il nous dit n'est pas sincère celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala et ne respecte pas ses interdictions. Donc la personne qui prétend aimer quelque chose, elle applique ses ordres et délaisse ses interdits. Al-ma'asi kulluha tansha'u min taqdimi al-hawa ala mahabbatillahi jalla wa ala. Wa lihadha yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam yastajibu lakum فاعلموا أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك لكم فاعلموا أنما يتبعون أهواءهم. الذي لا يستجيب لأوامر الله فإنما يتبع هواه. وكذلك ما يسمى بالبدع في الدين تنشأ بتقديم الهوى على محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمي أهل البدع بأهل الأهواء، يسمونهم بأهل الأهواء لأنهم يقدمون أهواءهم على ما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث ليس بصحيح، ولكن جاء في الحديث أن يكون هواه تبعا، فالإنسان يتبع ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذلك؟ يتبع بمعنى يبحث في الأدلة وعندئذ يعمل بها، يبحث في القرآن فإذا يعني تبينت له دلالة على أمر فإنه يتبعها، ولا يكون العكس. من العكس من يعمل بالعكس، يعمل ثم يبحث عن الأدلة التي تؤيد مذهبه، وهذا خطأ. الإسلام أن تتوقف عن العمل فإذا تبين لك شيء تعمل به. ولهذا من الناس يعني من يمشي يعني يسلك مسالك لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أنكر عليه قيل له أن الذي تفعله ليس من السنة يذهب في كتاب الله ويذهب في سنة ويبحث عن ما يؤيد مذهبه، وهذا خطأ، ويأتي بأحاديث عامة تدل على يعني فضل كذا كذا. إذا أنكر مثلا على أصحاب التصوف مثلا يعني طرائقهم في ذكر الله يذهب ويأتيك بأحاديث في فضل الذكر. طيب، ليس هذا الذي أنكر عليك، ليس فضل ذكر الله، ليس فضل تلاوة القرآن، ليس فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا، الإنسان أن يتوقف ويكون تابعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى عند الإطلاق يكون للميل إلى مخالفة ما جاء في الوحي، هذا إذا أطلق الهوى يكون مذموما، هذا إذا أطلق. ولكن قد تجدون الهوى يعني قد يطلق للميل إلى الخير. ولهذا عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر، لما يعني أسر المسلمون بعض المشركين بعد يعني غزوة بدر، ولم يكونوا يعلمون ماذا سيعملون بهم، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه مال إلى رأي أخذ الفدية، يعني يفرج عنهم ويؤخذ عليهم الفدية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أن يقتلوا. يقول عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت، فمال إلى أبي بكر ولم يميل إلى ما قلت. ولكن كما قلنا في الإطلاق يكون الهوى مذموما. Donc tout péché commis a lieu par le fait que l'homme privilégie donc sa passion au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Tout péché commis donc il a lieu car la personne donc a mis sa propre passion en avant par rapport à ce qui est venu donc dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran: fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah dit dans sourate Al-Qasas: s'ils ne répondent pas à ton appel, sache qu'alors ils suivent leur passion. Sache qu'alors ils suivent leur passion. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions en dehors donc de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah ne guide pas les peuples injustes. Et également les gens qui commettent des innovations, donc les choses que les gens font pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sur lesquelles il n'y a aucune preuve dans la religion. Ce qu'on appelle donc les innovations, et comme vous le savez, toute innovation est un égarement, et toute innovation n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, elles ont lieu du fait que la personne donc met en avant sa passion par rapport au commandement d'Allah et de son prophète. Et vous remarquerez dans le hadith que il est dit taba'an, c'est-à-dire la personne, elle suit, sa passion suit les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les commandements d'Allah qui suivent nos passions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui ils suivent un ordre qui n'est pas logique. Le musulman, l'ordre qu'il doit suivre, c'est il ne doit rien faire jusqu'à ce qu'il apprenne que Allah ou le prophète ont imposé quelque chose. À ce moment-là, il le fait. Il y a des gens qui rentrent dans des choses, et lorsqu'on qu'on les blâme pour ce qu'ils ont fait en leur disant que cela ne fait pas partie de la sunna, ils vont chercher à droite et à gauche pour essayer de trouver des choses qui appuient leurs actes. Alors que s'ils avaient suivi l'ordre, le fait de ne rien faire jusqu'à qu'ils trouvent les preuves et à ce moment-là appliquer, ils ne seraient pas tombés dans ces problèmes-là. Donc le musulman, il doit suivre, et il ne doit pas faire suivre les textes, ce qu'il fait lui-même. Que ce soit dans toutes sortes de choses. El-hawa, c'est-à-dire la passion, et c'est pour ça donc que les gens de l'innovation, les gens de Al-Sunna, les ont appelés Ahlu el-hawa. Ahlul bida'i wal-ahwa, c'est-à-dire les gens de l'innovation et de la passion, du fait qu'ils ont mis leur passion avant les textes. Le mot el-hawa, en général, lorsqu'il est cité dans les textes, c'est pour un mauvais sens, c'est-à-dire un sens blâmable. En général, dans le Coran, Allah dit: wala tattabi'i al-hawa fayudillaka 'an sabilillah. Ne suis pas tes passions, car cela te fera égaré du droit chemin. Wa naha an-nafsa 'anil hawa. Celui qui interdit à son âme les passions. Mais vous pouvez trouver dans d'autres textes que al-hawa est cité avec un sens qui veut dire le fait d'avoir un penchant qui soit vers la vérité ou vers le faux. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il nous dit que après la bataille de Badr, l'année 2 de l'Hégire, lorsque les musulmans donc, ont triomphé sur les associateurs et qu'ils eurent des prisonniers de guerre, 70, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas quoi faire de ces prisonniers, et que le prophète donc a demandé conseil aux compagnons. Parmi les compagnons, il y avait Abu Bakr radiallahu anhu qui avait pensé donc prendre une rançon de ces prisonniers. On les rend et les associateurs nous donnent une rançon en échange. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu voyait que tous ces prisonniers devaient être tués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi l'avis de Abu Bakr et n'a pas choisi l'avis de Omar. Omar nous dit: fa hawiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma qala Abu Bakr wa lam yahwi ma qult. C'est-à-dire le seul fait d'avoir un penchant. Il a eu un penchant pour l'avis d'Abu Bakr et il n'a pas eu de penchant pour mon avis. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset de surat Al-Anfal qui appuie l'avis de Omar: ma kana lin-nabiyyin an yakuna lahu asra حتى يثخن في الأرض. Il n'appartient pas à un prophète d'avoir des prisonniers jusqu'à ce qu'ils prennent le dessus donc sur tout le monde et deviennent donc forts sur la terre. Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabihi Rawdatu al-Muhibbin lahu kalam naqalahu an shaykhihi shaykh al-Islam al-Taymiyyah rahimahullah yaqul سمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليه. يقول أن الإنسان قبل أن يفكر في مجاهدة الكفار والمنافقين عليه أن يجاهد نفسه. فكيف يستطيع شخص أن يجاهد يعني الكفار وهو لا يجاهد نفسه, لا يستيقظ لصلاة الصبح, لا يستطيع أن يصلي في المسجد ويفكر في الجهاد؟ كيف يستطيع ذلك؟ إنسان يتغلب على نفسه وهواه وعندئذ يستطيع أن يتغلب على الآخرين. الإنسان أن يحاول أن يغلب نفسه. ابن القيم رحمه الله, donc comme on a dit, on va traduire, il y a une parole très importante en ce qui concerne le fait de combattre ses passions et son âme. Car il y a des gens donc, qui pensent toujours au jihad, le jihad, le jihad, le fait de combattre les mécréants, le fait de combattre les associateurs. Il nous dit, j'ai entendu donc mon cheikh, c'est-à-dire cheikh l'islam Taymiyyah rahimahullah, nous dire que jihad al-nafsi wal-hawa, le fait de combattre son âme et ses passions, c'est la base du fait de combattre les mécréants et les hypocrites. Car celui qui n'a pas réussi, car ne peut pas combattre donc les mécréants et les hypocrites, celui qui n'a pas réussi à combattre sa propre âme et sa propre passion, et à ce moment-là, il pourra alors donc awalan hatta yakhruja ilayhim, c'est-à-dire après cela, il pourra alors sortir donc pour combattre tous ces gens-là. ونكتفي بهذا وبقي معنا حديث واحد نأخذه في الدرس الآتي وأذكركم أن بعد هذا الكتاب سنشرع في شرح كتاب ثلاثة. ولكن إخوان القول كتاب عمدة الأحكام كتاب أظن أخ علي تونسي شرف في باريس كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600. كتاب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي. Donc après ce livre, donc il nous reste un seul hadith. Après on va passer à un autre livre. Et le livre qui est عمدة الأحكام de عبد الغني المقدسي. Faut voir avec lui, je sais pas ce qu'il vend. Vous voyez avec lui, peut-être qu'il l'a. Donc on commencera donc après qu'on aura fini donc le dernier hadith, donc peut-être le cours dans deux semaines, inshallah tabaraka wa ta'ala. Ali l'a acheté 3 euros. C'est pas l'argent. Non, mais pour montrer que c'est tout le monde, normalement, à ce prix-là, tout le monde devrait avoir le livre. Donc le livre, on rappelle le titre, Umdat al-Ahkam, et l'auteur c'est Abd al-Ghani المقدسي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je mets dans ta clé, tout à l'heure.